Mon père m'a donné un mari. Mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. D'une feuille on fit son habit. Mon Dieu, quel homme, quel petit homme. D'une feuille on fit son habit. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Dedans mon lit, je le couchis. Mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Dedans mon lit, je le couchis. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Au fond du lit, je le perdis. Mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Au fond du lit, je le perdis. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Je pris la chandelle, et le cherchis. Mon Dieu, quel petit homme. Je pris la chandelle, et le cherchis. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Le feu a pris dedans mon lit. Mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Le feu a pris dedans mon lit. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Mon petit mari fut rôti, mon Dieu, quel petit homme. Mon petit mari fut rôti, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Dans une assiette, je l'ai mis, mon Dieu, quel petit homme. Dans une assiette, je l'ai mis, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Le chat l'a pris pour une souris, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Le chat l'a pris pour une souris. Mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Au chat, c'est mon mari. Quel petit homme. Au chat, c'est mon mari. Qu'il est petit. Fillette qui prenait mari, si ne trouvait pas un grand homme. Fillette qui prenait mari, ne le prenez pas trop petit. Ne le prenez pas trop.